La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'univers tel que l'a vu le satellite Planck. Grâce à des instruments qui ne cessent de se perfectionner, les physiciens connaissent de mieux en mieux les propriétés globales de l'univers observable. Ils disposent notamment d'informations sur sa forme, sur sa structure à grande échelle, sur son contenu et sur son évolution. Les données les plus précises ont été récemment fournies par des détecteurs embarqués par le satellite Planck, lancé depuis Kourou le 14 mai 2009 par une fusée Ariane 5. Mais que nous révèlent ces données qui sont désormais dûment analysées? Nous allons le savoir grâce à François Boucher qui est avec nous en direct et par téléphone. Bonjour François Boucher. Bonjour. Vous nous entendez bien? Parfaitement. Alors je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur à l'Institut d'Astrophysique de Paris et vous avez été l'un des concepteurs de cette mission Planck. Et j'ai une première question qui est peut-être un peu personnelle. Sachant que vous avez consacré 28 ans de votre vie de scientifique à ce projet très impressionnant, maintenant qu'il est terminé, maintenant que toutes les données fournies par ce satellite ont été analysées, est-ce que vous ressentez une espèce de baby blues? Non, pas vraiment. Parce que, en fait, sans aller jusqu'à dire que l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Quand même, voilà, surtout vers la fin. C'est justement ça. Sur la fin, il faut aller jusqu'au bout, faut tirer tout ce qu'on peut des données. Mais il y a un moment donné où on se dit, j'aimerais passer à la autre chose. Et c'est ce que vous faites, puisque vous allez devenir le directeur de l'Institut d'Astrophysique de Paris à partir, je crois, du mois de janvier 2021. Absolument. C'est un prochain défi. C'est un défi dont on pourra peut-être parler après, dans la mesure où les conditions de la recherche et l'incompréhension de ce que c'est que la recherche fondamentale posent un défi à ceux qui y sont engagés. Mais on y reviendra peut-être. Pour l'instant, je voudrais qu'on revienne sur ce projet, sa genèse notamment, parce que j'ai cru comprendre qu'en 1993, c'est-à-dire un an après que le satellite Kobe, qui était un satellite américain, a donné une image assez précise, enfin peu précise par rapport à celle de Planck, mais de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, il y a eu un projet qui s'appelait Samba, je crois, qui est une sorte d'ancêtre de Planck. Oui, c'est ça. Alors, en fait, les cosmologues avaient développé une vision de l'histoire de l'univers, qu'on appelle souvent sous du nom de modèle de Big Bang, et un aspect totalement essentiel de ce modèle est d'abord que l'univers est plus chaud et plus dense dans le passé reculé. Donc tout est beaucoup plus proche, tout est beaucoup plus chaud dans l'univers, qu'on va dire, primordial. Et on s'attend à ce qu'il y ait un résidu de ce feu d'artifice primordial sous forme de rayonnement qui est au-delà de l'infrarouge, qui est dans les longueurs d'onde à peu près millimétriques. Ça a valu un premier prix Nobel à Penzias et Wilson qui l'ont détecté. Savoir qu'il était prédit par les théoriciens. Absolument, absolument. Donc l'étape suivante, c'était de se dire, somme toute, l'univers qu'on observe, c'est pas du tout un univers homogène, sans structure, et donc d'où ça vient? Et il y a un rêve qui partait en fait de modèle de l'abbé Lemaître, qui était de dire finalement peut-être que il y a des fluctuations dans un temps très ancien qui ont pu se développer par la suite sous l'influence de la gravité jusqu'à former l'univers qui nous entoure, qui est formé d'étoiles qui sont quelques milliers de milliards au sein de galaxies qui elles-mêmes sont distribuées au sein de ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers. Et donc il y avait l'idée que finalement toute la complexité qu'on observe aujourd'hui est issue de fluctuations primordiales, de grumeaux, un peu si vous voulez, dans la soupe, de toute petite amplitude très tôt dans l'histoire de l'univers. Et il était apparu que finalement le rayonnement cosmique de fond devrait porter l'empreinte de ces grumeaux primordiaux. Et pendant longtemps, c'est resté un objectif théorique, c'est-à-dire une prédiction, mais qui n'était pas encore mesurée. Et ce qu'a apporté le satellite Kobe, justement, en 92, c'est la toute première détection. Donc c'était très émouvant, puisque d'une certaine manière, on trouvait enfin les premières traces de ce qui initie la course vers la complexité et qui démarre, disons, la structuration de l'univers. en tout cas d'en trouver la trace. Évidemment, c'était une toute première mesure, et donc la résolution angulaire, c'est-à-dire les plus petits détails qu'on pouvait voir sur le ciel, était de l'ordre d'une dizaine de degrés, et c'était une image non seulement donc peu résolue, donc floue, mais aussi pas très précise, au sens que quand on fait une observation, non seulement on a le signal, mais il y a aussi ce qu'on appelle du bruit du détecteur, des signaux parasites. Et en fait, tout ce bruit détecteur était à peu près d'amplitude aussi forte que le signal lui-même. Ce que nous, on appelle un rapport signal à bruit de 1, ce qui n'est pas terrible. On voit, quand on regarde quelque chose, on ne sait jamais si c'est du signal ou si c'est du bruit. On ne peut faire que des analyses statistiques. Ça, c'était donc la situation en 92. Alors, on apprenait donc relativement peu de choses, mais sauf l'essentiel. On apprenait que oui, on était sur la bonne piste, et que oui, on avait effectivement trouvé la trace des fluctuations primordiales à un certain niveau. Et donc, naturellement, on avait envie d'aller plus loin, et il y a eu à peu près au même moment des gens un peu partout dans le monde qui ont l'idée de faire un autre satellite qui prendrait la suite. Alors, les Américains en ont proposé un, qui était en gros de faire avec les techniques disponibles dans l'instant, au moment de la proposition, donc aux alentours de 92, avec en gros les mêmes technologies que Kobe, le premier satellite de découverte. C'était le projet Cobra, c'est ça? Alors voilà, c'est ça. Enfin, WMAP, c'est ce qui va devenir WMAP. Ah, d'accord. Et puis les Italiens proposent à l'agence spatiale quelque chose qui s'appelle Cobra. Et nous avons proposé de mettre en œuvre, de développer une technologie qui existait, mais qui n'avait jamais été utilisée dans l'espace, à base de nouveaux types de détecteurs, beaucoup plus sensibles, donc théoriquement permettant de faire une image de beaucoup plus grande qualité, mais ayant par ailleurs l'inconvénient de demander à fonctionner dans un régime ultra froid, tellement froid qu'il faut les refroidir à une fraction de degré du zéro absolu, 0,1 degré. Donc vous étiez prêt à envoyer dans l'espace un objet dont la température en certains points était plus basse que n'importe quelle zone de l'univers, à l'exception peut-être de la Terre. Absolument. A priori, c'est resté pendant longtemps l'endroit le plus froid de l'univers, à 0,1 Kelvin, étant donné que tout le reste de l'univers est à 2,7 degrés. Donc voilà. Alors ça allait assez bien, l'apparition de cette nouvelle technologie, parce que d'un point de vue plus théorique ou scientifique, on avait une idée de quelle serait l'expérience parfaite. J'avais une bonne formation de théoricien à l'époque, et donc je savais que non seulement on souhaitait mesurer tout le ciel, mais on souhaitait mesurer aussi les fluctuations, on souhaitait pouvoir résoudre des détails de l'ordre de quelques minutes d'arc. Et ça permettait de se dire, si on arrive à atteindre cette résolution angulaire, avec une sensibilité suffisante, alors on pourra sortir à peu près toute l'information que l'univers a le bon goût de mettre à notre disposition en principe. Et puis, mais simplement avoir la résolution angulaire, donc la capacité à mesurer des petits détails n'est pas suffisant, encore faut-il que le bruit des détecteurs soit suffisamment faible. Donc ça imposait une contrainte sur la sensibilité, et on voulait être capable de mesurer des choses de l'ordre des différences de contraste, de l'ordre de 1 micro-Kelvin, c'est-à-dire 1 millionième de degré. Donc voilà, à la fois voir des détails de l'ordre de 5 minutes d'arc, avec la minute d'arc, c'est 1/60 du degré, hein, avec une sensibilité qui permette de distinguer, disons, différentes régions du ciel, de températures différentes de l'ordre du millionième de degré, de quelques millionièmes de degré. Et puis ça suffisait pas non plus, il fallait aussi s'assurer qu'on était capable de mesurer l'influence, et donc de prendre en compte l'influence de rayonnement parasite, par exemple celui de la poussière à l'intérieur de notre galaxie, ou l'émission d'autres galaxies. Donc en gros, il fallait une suffisante couverture en fréquence pour être capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc finalement, il y a eu ce moment un peu magique où on a pu proposer de dire, eh bien, écoutez, on pense pouvoir être capable de déployer une nouvelle technologie qui va permettre d'extraire quasiment toute l'information que l'univers met à notre disposition sous la forme de petites variations de température entre différentes régions du ciel. Donc, si je comprends bien, François Boucher, c'est donc à la fois le rendez-vous de la théorie et de la et de la technologie. Et si je comprends ça bien, suffit. François Boucher, ça veut dire que votre projet était plus audacieux technologiquement que le projet américain qui était plus conservateur, c'est bien ça? Ah, beaucoup plus. La procédure était complètement différente. Les Américains ont dit, nous, on veut faire quelque chose, on va mettre en œuvre les technologies qu'il y a maintenant sur étagère pour faire le pas qu'on peut faire avec elles. Ce que nous avons fait, c'est de dire, voilà, ce que nous souhaiterions faire d'un point de vue scientifique, c'est extraire toute cette information-là. Et on pense, on va pouvoir vous proposer une technologie qui a la capacité de faire ça, et on va démontrer qu'on est capable de la mettre en œuvre. Ce qui impliquait de développer pour la première fois un réfrigérateur qui permettrait d'être à un dixième de degré du zéro absolu dans l'espace et fonctionnant pendant suffisamment longtemps, parmi d'autres enjeux. Il fallait aussi une électronique à très bas bruit. Enfin, il y avait tout un ensemble de choses, mais on pensait que c'était possible. Qui a eu l'idée de vous mettre ensemble, finalement? C'est-à-dire de mettre dans le même satellite? Non, alors disons qu'il y avait déjà dans le labo à l'IS, notamment, des gens qui avaient déjà travaillé sur ces techniques-là et dont ils pensaient pouvoir aller... qu'elle serait déployable ou amenable jusqu'au point de pouvoir remplir les objectifs dont je viens de vous parler. Ouf. Donc voilà, c'est le début d'une grande aventure puisque c'est 92-93, la sélection c'est 96, et puis après il y a une longue période où on développe, on fait différents modèles, on forme la communauté parce que la communauté européenne n'était pas en pointe du tout sur ce sujet-là, donc les expertises étaient essentiellement aux États-Unis. Donc il y a eu un aspect tout à fait intéressant de monter en compétences, de formation d'une communauté qui n'existait pas, pour l'amener de quelques individus qui connaissaient un peu le sujet, comme moi, à une communauté de plusieurs centaines de personnes et qui sont, au top niveau mondial. Et pourquoi est-ce que vous l'avez appelé Planck? Alors c'est pas nous qui l'avons appelé comme ça. Il se trouve que c'est une tradition souvent de renommer un satellite selon le nom de quelqu'un de connu. En l'occurrence, Planck, c'est Max Planck, celui qui a écrit la théorie de à quoi doit ressembler un rayonnement qui est en équilibre avec son environnement, ce qu'on appelle un rayonnement de corps noir. Et il se trouve que le résidu du Big Bang, le rayonnement qui reste encore, a justement satisfait ces conditions et donc a une distribution en énergie donnée par cette fameuse courbe de Planck en son honneur. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, François Boucher, comment s'est libérée cette lumière? Parce que pendant 380 000 ans après le Big Bang, la lumière ne pouvait pas se propager librement dans l'espace. Alors qu'est-ce qui a permis que tout d'un coup, elle a pu voyager pendant des milliards d'années, en refroidissant sa température, et c'est ce qui constitue ce fameux rayonnement fossile. Essayons d'imaginer les conditions, disons, au cours de la première année. On est dans un milieu très chaud, très dense. Les atomes ne peuvent pas se constituer. Les électrons et les protons sont séparés l'un de l'autre parce que les photons, les petits grains de lumière, sont suffisamment énergiques ou énergétiques pour recasser tout atome qui tenterait de se former. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un plasma, qui est donc protons, électrons et photons, qui interagissent, et les photons, c'est comme une sorte de billard électrique géant, les photons vont d'une interaction à l'autre entre les électrons. Donc tout ça, ça fait un milieu qui est en gros extraordinairement opaque. Les photons ne se propagent pas en ligne droite, entre guillemets, ça ressemble un peu à l'intérieur du Soleil. Voilà. Mais aux alentours de 380 000 ans, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'univers a suffisamment décompressé, entre guillemets, enfin c'est étendu, pour que la température chute et que du coup les photons deviennent suffisamment peu énergétiques pour qu'ils laissent la possibilité aux premiers atomes de se former. Donc c'est ça qui va se produire, les électrons commencent à former avec les protons les premiers atomes d'hydrogène, Et du coup, la lumière, n'ayant plus de plots sur lesquels interagir, va être capable de se propager en ligne droite. Donc, à partir de ce moment-là, l'univers devient transparent. Donc, il y a cette période-là tout à fait particulière où on passe de l'univers primitif, très chaud, très dense, opaque, dans lequel donc le regard ne peut pénétrer, à une phase où l'univers est essentiellement transparent et où les photons vont maintenant pouvoir voyager. En fait, la plupart d'entre eux vont faire un voyage de 13,8 milliards d'années sans aucune interaction avec quoi que ce soit, donc jusqu'à aujourd'hui, puisque 13,8 milliards d'années, c'est l'âge de l'univers. Donc en bref, ce qui se passe, c'est que il y a bien longtemps, il y a presque 13,8 milliards d'années, l'univers devient transparent, le rayonnement primordial est libre et peut se propager jusqu'à ce qu'éventuellement, très loin de là, un détecteur puisse le recevoir et l'enregistrer. Et donc ce que ça veut dire, c'est que... Est-ce que j'ai le droit de Oui, dire, bien François sûr. Boucher, que cette lumière qui s'est donc libérée 380 000 ans après le Big Bang n'a pas interagi, ou très peu, de sorte qu'elle garde une Du trace tout. des conditions de sa formation? C'est exactement ça. C'est donc ce qui est le miracle incroyable, c'est que donc quand on observe le fond du ciel, dans les couleurs, ou plus exactement les fréquences auxquelles bien particulières qui sont de l'ordre du millimètre, il se trouve que ce qui nous apparaît comme noir avec nos yeux, on voit un fond du ciel, et quand on observe avec ces détecteurs particuliers, on se rend compte que l'émission du fond du ciel varie d'un endroit à l'autre et que les variations d'intensité traduisent exactement les conditions d'émission il y a 13,8 milliards d'années de cette lumière. Et donc, directement en cartographiant l'intensité de l'émission en fonction de la direction, on a une idée de à quoi ressemblaient les grumeaux primordiaux dans les tout premiers temps. Ce qui est magique. Puisque d'une certaine manière, on a donc une machine à remonter le temps, on nous amène, on a une photo quelque part, qui est la dernière interaction de cette lumière, prise il y a 13,8 milliards d'années, et qu'on se contente d'enregistrer aujourd'hui et d'analyser sur nos ordinateurs. Alors, donc, vous l'avez dit, François Boucher, l'idée de la mission, elle date d'à peu près 1993. Le satellite Planck, Oui. emportant deux détecteurs, dont sur lesquels on reviendra peut-être, a été lancé, je l'ai dit, le 14 mai 2009, ce qui veut dire qu'il y a eu pratiquement 16 ans de préparation. Est-ce que vous êtes allé à Oui. Kourou pour le lancement, et si oui, dans quel état Oui. étiez-vous? Un drôle d'état, on va dire. Alors, d'abord parce que on avait réussi à emmener une bonne partie de la collaboration, pas clair jusqu'au dernier moment dans quelle mesure on pourrait s'approcher, à quelle distance on pourrait s'approcher du pas de tir. Bon, finalement, on a été mis assez près. Et c'est un moment très impressionnant parce que quand la fusée décolle, alors d'abord on voit la lumière, et puis il y a le grondement qui arrive, qui est une sorte de roulement sourd qui vous prend aux tripes. Et puis évidemment, quand vous vous rendez compte qu'il y a plus de 7 ans de votre vie, de vos espoirs, de votre transpiration, qui est sur en gros 220 tonnes de poudre qui sont en train de s'allumer de manière brutale, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Et donc j'ai failli tomber dans les pommes en fait à ce moment-là, parce que pendant tout le temps où la fusée montait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais arrêté de respirer. Enfin, j'étais en apnée. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas, et je me suis remis à respirer. Ça allait beaucoup mieux. Et la fusée était déjà haute dans le ciel. Il y Et avait un bon, il autre se trouve que satellite comme d'ailleurs j'étais qui était. petit, je faisais beaucoup de plongée, donc ça a dû passer une bonne minute en apnée. Il y avait un autre satellite qui était dans cette même Voilà. fusée, c'est Herschel, dont on a beaucoup parlé par Alors ailleurs. oui, sous la même coiffe, il y avait le satellite Herschel, et l'Europe a parié à ce moment-là un grand bout de son futur scientifique, puisque deux de ses machines les plus complexes jamais faites étaient mises sous la même coiffe, et évidemment c'est non assuré. Donc si ce jour-là ça s'était mal passé, l'Europe spatiale aurait fait un grand bond en arrière. Mais Eh ça s'est bien, bien passé. heureusement, tout s'est bien passé, Alors, et donc nos deux satellites sont partis vers un point qui s'appelle le point de Lagrange numéro 2, qui est à en gros 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ils ont mis qui un mois et demi. Permet de regarder le cosmos en... Oui, alors, oui, à peu près. Le, donc le satellite a rejoint le point de Lagrange intéressant... au bout d'un mois et demi, mais oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on choisit de mettre les satellites qui doivent faire ce genre de mission à un point de Lagrange? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un point de Lagrange? L'émission se veut alors, pédagogique. Un point de Lagrange, c'est un point fictif, enfin c'est un point mathématique si vous voulez, qui quand on est à une certaine distance, vous partez du Soleil, vous allez en direction de la Terre et vous continuez tout droit pendant 1,5 million de kilomètres. Donc ça c'est la distance Terre-Soleil, c'est 100 fois ça. Donc vous rajoutez 1% de la distance Terre-Soleil en vous éloignant de la Terre. En ce point-là, en fait, tourne en même temps que la Terre autour du Soleil et on peut y positionner un satellite. Et donc, si on fait ça, en positionnant ce satellite, on peut rester en ayant toujours dans le dos, entre guillemets, à la fois la Terre et le Soleil qui sont les deux sources de perturbation pour faire nos mesures. Donc, c'est un point d'observation du cosmos qui est merveilleux puisque les perturbateurs, la Terre et le Soleil, restent toujours, disons, dans le dos, entre guillemets. On a l'espace devant soi et en plus, ce point d'observation tourne autour du Soleil. Donc, si on enregistre ce qui se passe autour de soi, eh bien, on va progressivement, au fur et à mesure que la Terre et ce point font le tour du Soleil, enregistrer l'ensemble des émissions de la voûte céleste. D'où la possibilité d'une cartographie complète, comme si on était totalement abstrait des rayonnements parasites de la Terre et du Soleil. Alors, les observations scientifiques ont pu commencer, je crois, au mois d'août 2009, donc quelques mois après le lancement. Elles se sont achevées le 14 janvier 2012 à l'épuisement des réserves d'hélium, d'hélium 3. Alors, l'hélium qui était à bord, c'était pour refroidir les fameux détecteurs dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Qui s'appellent des bolomètres. Et donc, c'est ça, c'est les bolomètres, c'est donc en gros des sortes de petits thermomètres électriques. Hein. Typiquement, quand un photon qui a voyagé pendant 13,8 milliards d'années tombe sur la grille de détection, ça élève un tout petit peu la température et il y a un thermomètre qui enregistre cette différence de température. Et puis, il y a, disons, un drain, quelque chose qui permet au détecteur de reprendre sa température normale jusqu'aux prochaines arrivées. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout que c'est une sensibilité extraordinaire et donc qui a permis de faire ces mesures d'une très très grande précision. Précision au sens de sensibilité, la capacité à finalement, en un temps de mesure relativement court, de cartographier toute la carte céleste à haute résolution angulaire et avec une sensibilité de l'ordre de quelques millionièmes de degrés. Et la première ce image, qui était ce qu'il fallait pour, ouais. Pour les objectifs scientifiques. Et la première image, je crois, a été publiée en juillet 2010, donc un peu moins d'un an après le lancement du satellite. Je me souviens de la publication, ça avait fait la une des journaux, et il y avait toute une sorte de secret qui entourait cette publication dans les jours précédents. C'était un enjeu si stratégique que cela. Alors, les dates sont peut-être un peu à réviser. On a fait d'abord une première image qui est juste une petite bande qu'on a dès septembre de 2009. Donc très peu de temps après après le lancement, après les premières opérations, on a pu montrer, fabriquer un petit bandeau dans le ciel pour montrer que ça marchait très bien. Ce qui a été aussi sec repris par les Bogdanov avec le visage de Dieu. Le visage de Dieu, voilà. Alors, évidemment, ces personnes n'avaient strictement rien à voir avec le team, et c'est simplement la reprise de choses qui étaient dans la presse. Alors ça, c'est une chose, mais après, il a fallu vraiment les premières analyses scientifiques complètes avec des données qu'on a livrées à la communauté, ça c'est 2013, et effectivement, tout était sous embargo, puisqu'il y avait quand même... c'est difficile de garder, la primeur des gens qui ont travaillé sur le satellite quand il y a une collaboration aussi importante. Et puis, il y avait surtout une sorte d'obsession de pas raconter de bêtises. Et donc, quand on laisse les choses sortir avant qu'elles soient complètement validées, on peut effectivement raconter des bêtises. Donc, on a plutôt bien la collaboration. C'est assez incroyable qu'avec un aussi grand nombre de gens dans le secret, finalement, les bruits les plus faux couraient autour. Beaucoup s'attendaient à ce qu'on annonce, par exemple, la détection d'anormalités, de non-gaussianité, qu'on a, en fait, qui ne sont pas là. Oui, il y a un élément de surprise. Et un des éléments de surprise scientifique était qu'on semblait trouver une valeur du taux d'expansion de l'univers qui permettent d'expliquer ces données, plus bas que ce qu'indiquaient les résultats précédents. Et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, va en fait aboutir à une des tensions qui existent. Ce résultat n'a fait qu'être confirmé avec de plus en plus de précision, et ça pose des questions sur est-ce qu'on a le bon modèle d'univers aujourd'hui, ou est-ce qu'il va devoir être complété? Et là, on anticipe un peu sur les conclusions scientifiques. Ce qui mérite peut-être d'être dit, c'est comment on passe d'une carte, aussi précise soit-elle, à des inférences scientifiques du genre le taux d'expansion de l'univers. C'est pas écrit. Donc, en fait, non, mais c'est ça que j'aimerais que vous nous racontiez. Comment est-ce que vous avez pu extraire de ce bruit de fond, de ces fluctuations notamment, ce qu'on appelle les paramètres fondamentaux du modèle standard de la cosmologie, donc le contenu de matière, la matière noire, l'énergie noire et d'autres choses dont on va parler. C'est ça qui est assez mystérieux. Comment un rayonnement fossile peut-il aussi bien nous renseigner, non seulement sur l'histoire de l'univers, mais sur sa forme, sur ses contenus en matière et autre chose? Quelle est la démarche qui permet de le faire? Prenons un exemple. Par exemple, sur un petit détour. J'ai commencé par un premier détour. Quand on observe une autre photosphère, qui est la surface du Soleil, on observe des taches dessus, des ondulations, des choses. Donc, on n'observe pas l'intérieur du Soleil. Mais si on prend ces observations et qu'on cale un modèle utilisant les lois de la physique sur qu'est-ce qui peut donner lieu à ces phénomènes de surface, on peut en déduire des choses sur l'intérieur du Soleil, y compris sur ce qu'on ne voit pas. Donc ça, ça se comprend assez bien. Les gens, on peut bien imaginer que, voilà, en observant la surface du Soleil, on apprend des choses sur l'objet Soleil. Alors en fait, c'est une démarche un peu similaire. Donc là, on observe la carte du fond du ciel, donc qui ressemble à des taches un peu toutes les tailles. Et en fait, on peut utiliser l'analogie qui fait, selon laquelle, c'est un peu comme une empreinte digitale. C'est-à-dire que ça correspond, on a pris la photo d'un état de l'univers à un moment donné sur une surface qui est, en gros, celle du fond de ciel. Alors ça, on va maintenant le confronter à des modèles théoriques. Et donc, ce qui fut fait bien avant, d'ailleurs, les données Planck, c'est que les théoriciens ont imaginé des tas de modèles d'univers à l'intérieur du modèle de Big Bang, mais en disant, voilà, si les fluctuations primordiales ont été initiées par tel type de mécanisme et qu'elles se sont développées pendant les premiers 100 000 ans dans un univers ayant telle propriété, alors ce qu'on devrait mesurer ressemble à ça. Donc prédisant d'une certaine manière l'empreinte digitale d'un modèle d'univers. Et puis ça a été fait, et on a de multiples fois pour différents types de paramètres, pour différents modèles, et donc on avait constitué dès avant le lancement un grand atlas d'empreintes digitales qui correspondait à un peu tous les univers qu'on était capable d'imaginer. Donc c'est très simple. Une fois qu'on a Planck n'était qu'une magnifique machine à prendre l'empreinte digitale de l'univers primordial. Donc l'étape suivante, alors je vais dire en l'occurrence, a été de confronter cette empreinte digitale, entre guillemets, de l'univers primordial avec cet atlas. Alors, je fais une petite pause avant de dire comment s'est passée cette confrontation. Évidemment, c'est pas une empreinte digitale au sens strict d'une photo avec des sillons, mais pas loin. En fait, ce qu'on utilise pour faire cette confrontation, c'est en gros le contraste relatif des taches de petite taille angulaire et des taches de plus grande taille angulaire. Voilà, donc on regarde la distribution, en gros, sur la sphère, des taches de différentes tailles et de différents contrastes. Ça, c'est l'information. Bon, on utilise un outil mathématique, après, une fonction qui représente ça, mais sur le fond, c'est ça, c'est la caractérisation du contraste des tâches en fonction de leur rayon. Donc vous comparez cette image obtenue de l'univers. Vous comparez cette image obtenue de l'univers à une sorte d'atlas d'univers possibles qui vous ont été fournis par les théoriciens imaginant différents scénarios. Absolument. C'est exactement ça. Alors du coup, bah, logiquement, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'il n'y ait pas que les théoriciens n'aient pas imaginé ce qui allait être mesuré, c'est une possibilité, ou qu'il y ait voire plusieurs suspects correspondant à la mesure. Donc suspense complet, puisque je veux dire, avant d'avoir fait la confrontation, on ne sait pas. Alors il s'est avéré que un modèle particulièrement simple, précalculé, permettait d'ajuster extraordinairement bien, pour certaines valeurs de paramètres, les mesures faites par Planck. Donc d'un côté, c'est à la fois une confirmation du cadre de pensée général qui a été utilisé pour faire ses prédictions. Et puis, bah, c'est donner aussi les valeurs des paramètres spécifiques qui sont nécessaires pour pouvoir reproduire les données. Et c'est à travers cela qu'on arrive à des choses du genre le taux d'expansion de l'univers vaut 67 km par seconde et par mégaparsec, qu'il y a telle quantité de matière. Parce que encore une fois, ces paramètres, ça gouverne la manière dont les fluctuations vont se développer et s'imprimer sur le rayonnement cosmique de fond. Donc c'est vraiment c'est ça qui permet de suivre l'évolution physique des fluctuations les plus primordiales. Et François Boucher, est-ce que vous aviez fait cette empreinte-là, c'est ça qu'on cherche à déterminer. Est-ce que vous aviez fait un pari? Oui, pardon. Est-ce que vous aviez fait un pari personnel ou avec vos collègues sur le modèle qui serait confirmé par les données? Est-ce que vous pensiez, alors, oui par exemple, que les moi, théories j'ai physiques... travaillé en tant que théoricien. Alors, d'abord, j'avais beaucoup travaillé en tant que théoricien sur un modèle qui s'est avéré être exclu par les données. Donc, j'ai fait partie, en fait, de ces théoriciens qui étaient des prédicteurs. La nature a choisi d'être décrite, enfin, est décrite par un modèle qui n'est pas celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que théoricien, bon, dont acte. Une chose dont j'étais à peu près certain, en fait, dont nous étions à peu près tous certains, ceux qui avaient, une d'assez bonne connaissance du contexte théorique, je pense notamment à mon collègue Georges Estacio à Cambridge, on aurait été très très surpris si on nous avait dit que finalement, le modèle qui commençait à émerger au moment où on proposait ce satellite, allait continuer simplement en changeant de paramètres, mais sans tomber sur la nécessité d'introduire de nouveaux éléments. Il s'est avéré que finalement, simplement en ajustant les valeurs des paramètres, mais en ne rajoutant pas de physique nouvelle, on arrivait parfaitement à décrire, arriver à parfaitement décrire les données. Ça nous paraissait quasi impossible. Eh ben, dans l'émission, François Boucher, allait pouvoir nous amener jusque là. Dans cette émission, François Boucher, nous allons introduire un nouvel élément, contrairement à vous, qui est un morceau de musique que vous avez choisi. C'est un extrait de la cantate du Veilleur de Bach, évidemment, dirigé par John Eliot Gardiner avec le chœur Monteverdi. Et on vous retrouve après. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. François Boucher, vous avez choisi cet extrait magnifique de la cantate merveilleuse du Veilleur de Jean-Sébastien Bach, dirigée par John Eliot Gardiner. Bon, c'est magnifique, mais est-ce que ça suffit à expliquer votre choix ? Certes non, mais on peut faire un retour personnel. Quand j'étais petit, c'était la musique qui était mise par mes parents au moment de découvrir le sapin de Noël. Et donc, il y avait un aspect d'émerveillement qui m'a semblé correspondre assez bien avec l'émerveillement du cosmologue qui découvre l'univers avec tous ces incroyables jouets, les trous noirs, la structure en éponge de l'univers, tous ces différents mystères qu'on est capable de voir. Bah, c'est un peu ça, c'est ce sentiment de bonheur et de joie de la découverte que cette musique évoque et qui m'a semblé appropriée pour cette émission. Alors François Boucher, il est temps de commencer à répondre à la question posée par cette émission. L'univers tel que l'a vu le satellite Planck, comment est-il ? Alors, on peut commencer par la géométrie. A priori, la géométrie spatiale de l'univers est très bien décrite par une géométrie plate, euclidienne, celle qu'on apprend à l'école, qui dit que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, que si on prend l'analogie d'une surface plane, elle ressemble à un plan et non pas à une selle de cheval ou à la surface d'un ballon. Donc ça se mesure indirectement par faisant justement de la triangulation, comme les trois angles d'un triangle. Alors, spatialement plat, premier point. Ce qui ne veut pas dire plan, on est d'accord. Le contenu. Ce qui ne veut pas dire plan. Non, ça veut pas dire. Oui, bien sûr, c'est à trois dimensions. Plat à trois dimensions. C'est un espace quadridimensionnel. Voilà. Mais l'espace-temps, lui, est bien courbe, bien sûr. Donc, premier point. Ensuite, un univers dans lequel la matière usuelle ne représente que celle dont nous sommes faits, les protons, les électrons, tout ça, ça ne représente que quelques pourcents du tout. Ensuite, un tiers est fait de quelque chose qu'on doit décrire comme étant de la matière noire, c'est-à-dire une matière qui n'interagit pas avec le reste de la matière de manière usuelle. En fait, on la détecte uniquement par son influence gravitationnelle. Et puis, le dernier bout qui est le plus mystérieux, qui est ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est aussi nécessaire, qu'on a été obligé d'introduire d'une certaine manière dans les équations pour rendre compte à la fois du taux d'expansion observé autour de nous, mais aussi pour être capable de décrire ces grumeaux primordiaux. Donc, et ça, c'est en gros la différence entre matière noire et énergie noire, c'est la manière dont ça se comporte, dont la densité d'énergie de cette matière se comporte sous l'effet d'une dilatation. Alors ça, c'est une partie, mais dans le modèle, il y a aussi deux autres paramètres qui sont d'une certaine manière les plus essentiels, c'est ceux qui décrivent les caractéristiques des fluctuations primordiales. Alors comment on va faire ça ? Eh bien, en gros, pour pouvoir... Ce qu'on cherche à savoir, c'est donc quel est le contraste relatif des fluctuations, et ceci en fonction de l'échelle. Donc on va avoir deux paramètres, un qui dit l'amplitude typique des fluctuations à une certaine époque, que vous puissiez le mesurer en micro-kelvin ou en rapport de densité, ça n'a pas beaucoup d'importance, et puis quelque chose d'autre qui décrit en gros si des fluctuations de plus grande taille sont d'un contraste plus faible ou moins faible que des fluctuations, disons, de référence. Donc, en gros, c'est les paramètres qui gouvernent, qui décrivent les fluctuations primordiales qui, sous l'influence de la gravité, vont donner naissance à tout l'univers qui nous entoure. Donc voilà, le modèle cosmologique, c'est donc de minimum, c'est deux paramètres qui décrivent la distribution des grumeaux primordiaux et les autres qui décrivent, la constitution de l'univers. Avec un des paramètres, en fait, qui décrit la manière dont les étoiles s'allument, qui est une chose qui n'est pas très très bien comprise, qui on n'arrive pas à paramétrer à partir de ce qu'on appelle la physique ab initio, c'est-à-dire en partant vraiment des premiers principes. Donc en fait, il se trouve que quand les premières étoiles s'allument, elles vont transformer les conditions physiques autour d'elles de telle manière que certaines des fluctuations vont apparaître légèrement différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça se passe, mais ce qui compte, c'est qu'on a besoin d'un paramètre pour décrire l'influence, qu'on ne sait pas décrire autrement, de l'allumage, disons, des premières étoiles qui vont se passer, disons, après quelques millions d'années. Donc voilà, en gros, vous avez un modèle incroyablement simple, apparemment, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de parler du apparemment, qui, en gros, décrit l'allumage des étoiles d'une part, deux paramètres pour décrire les fluctuations primordiales, celles qui sont générées dans le premier milliardième de seconde, et le reste qui décrit, en gros, la constitution de l'univers, qui est importante parce que c'est ça qui va déterminer comment ces fluctuations apparaissent sur le fond cosmologique qu'on observe par le fond du ciel. Et François Boucher, je voudrais insister sur un point spécifique, qui est que ce modèle paraît incroyablement simple, mais c'est en fait très très trompeur, parce que ce modèle il est en fait une sorte de triomphe de la physique où on utilise des lois de la physique telles que par exemple la relativité générale dont on a absolument besoin pour décrire ces fluctuations primordiales. On utilise toute la physique classique pour décrire comment les fluctuations primordiales se développent pendant les premiers centaines de milliers d'années. On utilise aussi des hypothèses qui au départ ne sont que des hypothèses, qui sont par exemple que l'univers est décrivable par des lois mathématiques, que les lois qu'on observe ici et maintenant sont toujours valables autrefois et en d'autres lieux. Donc tout ça, c'est absolument pas des évidences. Donc en gros, on a les physiciens avec une arrogance ou en tout cas une audace, un culot monstrueux, on utiliser des lois qui ont été comprises dans notre environnement, ont décidé de dire on va voir si ça s'applique y compris à l'univers dans son ensemble, et ont eu l'ambition de décrire en gros l'univers lui-même avec un certain nombre d'hypothèses. Et la chose est complète, ce qui est complètement incroyable, c'est que on arrive effectivement à prédire et à décrire de manière très très fine ce qui est observé. Ce qui, évidemment, en retour, valide, ou en tout cas apporte de l'eau au moulin sur le fait que ce sont de bonnes hypothèses. Donc, et notamment que les lois de la physique sont effectivement les mêmes quand on cherche à décrire quelque chose qui est très loin dans l'espace et dans le temps. Oui, ce sont de bonnes hypothèses, voilà. François Boucher, mais c'est quand même ces bonnes hypothèses validées par vos observations qui oblige à conclure, comme vous l'avez fait, que nous ne connaissons que 5% du contenu de l'univers, puisque la matière noire et l'énergie noire mises ensemble, c'est à peu près 95%, dont la nature, la constitution, n'est toujours pas connue. On ne sait pas quelles sont les particules, s'il y en a, qui constituent la matière noire. Et donc, ces hypothèses nous forcent à admettre l'existence d'entités que nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait leur reprocher ? Aux hypothèses. Alors, d'abord, ça serait une bien grande arrogance de reprocher à l'univers ou aux lois quoi que ce soit. Mais on pourrait dire, par exemple, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'on puisse décrire l'univers à partir d'autres théories qui ne réclameraient pas la présence de matière noire ou d'énergie noire ? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des gens qui en cherchent. Alors, en gros, je pense qu'il faut quand même distinguer le statut de matière sombre ou matière noire et d'énergie noire. En ce qui concerne la matière noire, c'était que assez peu une surprise. D'abord, elle était déjà dans les cahiers depuis assez longtemps, mais en plus, disons que on sait qu'il existe beaucoup de physique de particules, pardon, qu'on n'a pas encore détecté, mais dont la présence ne nous surprendrait pas, étant donné ce qu'on sait déjà du point de vue de la physique. C'est juste d'identifier quelles particules en question il s'agit. C'est très difficile instrumentalement, mais il n'y a pas vraiment de problème théorique. On s'attend à ce qu'il y ait en fait des pelletées de particules qu'on n'a éventuellement pas encore détectées. Donc c'est un enjeu de détection, mais on était, c'était pas aussi surprenant que la nécessité d'introduction de cette énergie noire, ou alors là, c'était pas attendu d'un point de vue théorique du tout. C'est même, en fait, les propriétés de cette énergie noire ne sont, sont difficilement compatibles, disons, avec la physique telle qu'on la connaît. Et donc, ça a un statut très, très surprenant. Certains pensent même que c'est, disons, le mystère le plus incroyable et le plus dérangeant de toute la physique contemporaine. Alors, c'est pour ça que dans ce cas-là, on peut vraiment se poser la question de quelle est la force des évidences qui nous amène à introduire cette énergie inconnue, d'une part, et donc de questionner très, très précisément la chaîne d'inférence. Alors, il y a d'un côté les faits qu'on cherche à observer, à, disons, à expliquer. Bon, cela, ça fait maintenant longtemps on a suffisamment d'évidences de nature diverse, observationnelles, que ce soit avec les supernovae ou avec les fluctuations du fond de ciel, pour savoir ce ne sont pas des artefacts d'observation. Mais du coup, on peut se poser la question de le contexte théorique, l'architecture théorique qu'on utilise pour interpréter ces observations est-il correct? Et comme et c'est là que beaucoup de gens ont dit finalement cette énergie noire rentre pas bien entre guillemets, hein, bien sûr, rentre pas bien dans le cadre disons classique. Et donc peut-être que c'est une des premières indications du fait qu'il faut que la théorie de la relativité générale n'est finalement qu'une approximation d'une théorie plus complète qui et que en fait ce qu'on prend comme la manifestation d'une énergie noire supplémentaire n'est qu'en fait qu'une manifestation d'une description théorique qu'on utilise au-delà de son domaine de validité. Voilà. Donc c'est un des grands enjeux, c'est puisque ça intéresse, ça interroge, pardon, notre théorie la plus fondamentale, celle qu'on utilise pour arpenter l'univers. Donc la deuxième grande théorie fondamentale, la première étant la mécanique quantique, bien sûr. Et donc bah, c'est un enjeu énorme. Et alors ça, c'est très difficile puisque d'une certaine manière, on parle d'une énergie qui a priori peut être éventuellement répartis de manière homogène dans l'espace, comment on fait pour tenter d'en savoir plus? Alors, je peux vous en dire quelques mots si vous pensez que ça ne nous entraîne pas trop loin. Je crains que ça nous entraîne trop loin et surtout qu'on n'a plus que 10 minutes. J'ai d'autres questions à vous poser, notamment une qui rejoint d'ailleurs celle que Bon, vous venez alors. d'évoquer, François Boucher, qui est la suivante. C'est une sorte de remarque qui me mène à une forme d'interrogation dont je voudrais vous faire part. Quand Einstein publie sa théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle façon de comprendre la gravitation en 1915, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers? Pas grand-chose. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent, puisqu'on n'a pas encore identifié les forces nucléaires. Et néanmoins, Einstein trouve une théorie qui est celle que vous utilisez encore pour faire de la cosmologie. Et donc, on pourrait dire que la théorie dont vous vous servez est une théorie qui s'est construite quasiment sans données par rapport à celle dont on dispose aujourd'hui. Alors je vous propose une expérience de pensée. Imaginons qu'on ait à notre disposition toutes les données que vous avez recueillies par Planck ou par d'autres satellites, d'autres missions. Bref, on a toutes les données recueillies par les astrophysiciens, les cosmologistes et puis les physiciens des particules. On met tout ça à disposition d'un algorithme qui ne connaît pas les équations d'Einstein. Est-ce que vous pensez qu'il serait capable, à partir de ces données, de retrouver les équations d'Einstein, de la relativité générale? Question à 100 francs. J'en doute un peu, et je peux imaginer, enfin, parce que, en fait, je pense que derrière, il y a aussi des présupposés philosophiques, en fait, qui interviennent. Et donc, j'étais en train de me dire, voilà, je mets tous ces tas de données et je vais essayer de d'entraîner, disons, des réseaux neuronaux, pour tenter de faire une reproduction ben de ces faits observationnels, chose que nous faisons, enfin que notre communauté fait tout le temps. Mais au bout, ce qu'on aura, c'est en gros une collection de chiffres qui vont déterminer les différents poids des différents réseaux neuronaux, mais on comprendra toujours rien. Il n'y a pas des choses dedans qui vont incorporer, par exemple, l'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie. Il y a quelque chose qui me gêne. Je pense qu'il n'est peut-être pas totalement impossible dans un futur très lointain qu'on puisse avoir une description effective. Mais je pense que c'est pas la même chose que l'élégance, disons, des lois de la relativité qui incorpore tout un raisonnement supplémentaire d'une certaine manière, sans même parler de la côté beauté mathématique. Donc, je veux pas me prononcer définitivement parce que voilà, c'est difficile de prédire le futur, comme dirait l'autre. J'ai une sorte de réaction instinctive qui font que je pense pas que ça soit la bonne piste. Alors j'ai une autre question à François Boucher. Planck et le succès que vous venez de nous raconter montrent que récemment, depuis quelques décennies, l'Europe a été dans la course en matière de cosmologie et d'astrophysique. Est-ce que la suite de l'histoire s'annonce aussi brillante ? Ah, malheureusement non. Malheureusement non. Mon impression très ferme est que l'Agence spatiale européenne est devenue un peu frileuse. Je me demande même si Planck serait sélectionnable aujourd'hui, étant donné les mécanismes de sélection qui sont maintenant en place. Et ça rejoint, c'est la question de la prise de risque. Hein. Alors évidemment, on parle de choses qui sont très chères et donc on peut pas se permettre de se tromper souvent. Mais à vouloir être trop gardien de l'orthodoxie budgétaire peut-être, on en finit par en gros ne sélectionner que des choses qu'on connaît quasiment déjà. Et ça me fait penser à... Donc ça, c'est un premier point. Ça me fait penser, par la même occasion, à cette espèce d'oxymore qui est que, disons, les politiques souhaitent qu'on finance la recherche en décrivant ce qu'on va trouver. Ben, c'est complètement idiot. Pour de la recherche fondamentale, ce qui est véritablement intéressant, c'est ce qu'on ne connaît pas déjà. Donc on peut au mieux décrire le processus de pensée qui nous amène à s'intéresser à certaines questions. Mais il y a tout un mode de financement de la recherche qui est celui qui est poussé par, y compris le gouvernement actuel, qui est méconnaître un peu le fonctionnement intellectuel de la recherche en particulier fondamentale et la confondre avec l'ingénierie qui, elle, dont on peut décrire les objectifs. Si vous me donnez combien de voitures doit passer au-dessus d'un ravin, on peut concevoir le pont qu'il faut faire et faire le travail et inventer les formes pour répondre aux problèmes. Mais il n'y a pas ces mêmes façons de faire quand vous essayez de comprendre quelles sont les lois de l'univers qui sont par définition inconnues au départ. Et donc là, le vrai moteur, c'est la curiosité. Mais comme vous l'avez dit vous-même, Planck n'a pas épuisé toutes les questions et donc il doit avoir une suite, un successeur. Ça veut dire qu'il n'aura pas de suite ou alors oui, il va y en avoir. Sera ailleurs. Alors, le successeur, alors il va y avoir plusieurs successeurs. Il va y avoir un successeur. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un successeur ? Planck a en gros mesuré, a extrait toute l'information que voulait bien nous révéler l'univers sous la forme des mesures des fluctuations de température entre différentes régions du ciel. Mais il se trouve que la lumière a d'autres propriétés, notamment son degré de polarisation. Et ça, Planck, c'est un signal qui est encore plus faible que le précédent. Et donc Planck n'a fait que les premiers pas dans cette direction-là. Alors il y a un projet japonais auquel nous sommes associés, nous Français, et en cours de montage, pour faire mieux que Planck dans le domaine de la polarisation de la lumière à grande échelle. Qui est un projet intéressant, mais d'abord, bon, dans lesquels nous sommes participants, mais nous ne sommes pas pilotes. Mais c'est surtout un projet qui ne s'intéresse qu'à une partie de l'information, celle qui peut s'obtenir par les très grandes échelles angulaires. Et par nature, incapable de distinguer des petites variations de polarisation à plus petite échelle. Et ça, le domaine est complètement maintenant dans les mains des Américains. En gros, il y a une expérience qui s'appelle, bon, le nom importe peu, mais CMBS-4 de quatrième génération, qui se développe en ce moment à la fois au Chili et au pôle Sud, qui sont des expériences de très grande ampleur dans lesquelles nous ne participons pas et donc nous ne participerons pas, si ce n'est à titre individuel, à cette fête scientifique magnifique qui va continuer de nous révéler la polarisation du corridor cosmologique. Donc j'en suis très triste, même si à titre personnel, avec mon équipe, on est sauvé dans la mesure où on s'est proposé de rejoindre une de ces collaborations américaines en disant « Écoutez, on n'a pas d'argent, mais on a prouvé qu'on avait une cervelle et qu'on savait s'en servir. Est-ce que vous voulez bien nous, même sans qu'on puisse contribuer au fonctionnement de l'expérience ?» Et ils nous ont ouvert les bras, donc on était assez contents. Mais c'est à titre personnel. C'est pas notre pays, notre communauté qui, développe cette expérience dont je suis particulièrement triste. Merci François Boucher, ce seront les mots de la fin. J'ai une petite anagramme pour vous qui va nous peut-être vous détendre. Quel est l'anagramme, à votre avis, de la courbure de l'espace-temps? Je vous la donne, c'est superbe spectacle de l'amour. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Oh, magnifique. C'était un plaisir de vous écouter et je vous remercie d'avoir d'avoir connu les joies du direct par téléphone, ce qui est quand même un sport de haut niveau. Je vous remercie pour cela. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Clara Galivelle, que je remercie tout particulièrement parce que c'était, comme je viens de le dire, une sorte de sport, et puis Delphine Lemaire, que je remercie tout autant parce que le direct, c'est vraiment chaud. Merci à vous, à la semaine prochaine.